action que nous prenons, qui fait nous envie crier. Ça vient faire nous penser que les amis paraissent mettre en franchise. Ça va servir une leçon pour ne pas l'ouvrir tout que nous baillons. De bagay que pas j'en s'oublie. sagesse.